grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Monteverdi et les Vêpres. Visiblement, vous avez apprécié les Vêpres de Monteverdi diffusées hier, si j'en juge d'après vos courriels. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, eh bien, après avoir évoqué la porte de l'Orient, qui était Venise, c'était lundi, les voies d'une foi catholique, dans le cadre de la contre-réforme, c'était mardi, après avoir été sur les pas d'Orphée mercredi, et donc hier, à l'écoute des Vêpres de Monteverdi, aujourd'hui, je vous entraîne vers quelques autres Vêpres mariales. Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons par le divin Claudio. Oh. deux voix, un orgue. Le Salve Regina de Claudio Monteverdi, composé 30 ans après ses Vêpres de la Vierge que nous écoutions hier, donc sur France Musique. Les deux voix, c'était Emma Kirkby et Judith Nelson avec à l'orgue Christopher Hogwood, dirigeant il y a 30 ans de cela, un disque qui ne cesse de me charmer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Je trouve qu'il y a dans ces deux voix, dans ce moment musical, quelque chose d'absolument hors du temps. Et pourtant, voilà bien une musique qui est de son temps, la musique de Monteverdi, ou plus exactement, les musiques autour de la Vierge. Hier, donc, nous évoquions et nous écoutions l'intégralité de ces Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Nous savons bien qu'à l'époque, en 1610, Monteverdi, je dirais, connaissait une période très difficile sur le plan matériel, puis qu'il avait décidé de prendre congé pour se rendre à Rome, de prendre congé de la cour de Mantoue, et qu'il voulait offrir au pape Paul V ses élucubrations de toutes sortes, comme il disait, comme il écrivait lui-même. C'est ce que nous écoutions, les élucubrations, c'est quand même les Vêpres de la Vierge, je vous le rappelle. Si vous voulez, vous pouvez entendre les Vêpres de la Vierge, eh bien, dans quelques jours, ce sera le 10 octobre, et ce sera donné à Évreux par l'ensemble Ludus Modalis de Bruno Boterf, une autre vision que celle que nous écoutions hier. Alors, en fait, on le sait aussi, le frère de Claudio Monteverdi a fait publier les Vêpres à Venise, alors que le doge, Leonardo Donna, venait d'être excommunié quelques années auparavant par le même pape Paul V. Ce que l'on oublie généralement en ce qui concerne toutes ces Vêpres mariales ou ces musiques autour de la Vierge, à l'occasion de la Vierge, autour du rosaire et autres, c'est qu'il y a, je dirais, un sous-titre que je n'avais pas donné hier, exprès. Un sous-titre du temps long d'une histoire qui est celle de la chrétienté. Et ce temps long, eh bien, il ramène à 1571, la bataille de Lépante, lorsque, je dirais, avec les navires de la papauté, avec l'argent de la papauté de l'Espagne et de Venise, il y avait eu cette bataille terrifiante en une journée, 30 000 morts du côté turc, enfin musulman, 260 de leurs 300 vaisseaux avaient été passés par le fond. Une victoire de la chrétienté que le pape de l'époque avait dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Et lorsque l'on évoque Notre-Dame, le Rosaire, l'évocation de Marie, c'est aussi, à l'époque, au début du XVIIe siècle, une façon de repenser à une certaine reconquête religieuse, militaire. Et vous le voyez bien, il y a derrière tout cela des choses que l'on a tendance à oublier. Et les Vêpres de la Vierge sont évidemment présente, je dirais pas seulement avec Monteverdi, mais avec de très nombreux compositeurs. On chante la Vierge, on chante la contre-réforme triomphante, et on chante en même temps le souvenir en filigrane de cette bataille de Lépante. Pourquoi pas ? Tenez, voici d'autres Vêpres de la Vierge. 1648, cette fois-ci. Virgilio Mazzocchi. Mazzocchi, interprété par le Cantus Köln, le Concerto Palatino, Konrad Jungheinel. Je vous emmène pour une petite heure de musique en miroir avec les Vêpres de Monteverdi d'hier. Ici, celle de Virgilio Mazzocchi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. D'autres vêpres de la Vierge. Alors, cette semaine, grand compositeur est consacré sur France Musique à Claudio Monteverdi et ses vêpres, je dirais plutôt, et les vêpres, puisqu'ici, ce n'était plus du Monteverdi, c'était un contemporain, Virgilio Mazzocchi. Mazzocchi, vêpres de la Vierge, interprété par le Cantus Köln, dirigé par Konrad de Junghenel, avec le concerto au Palatino, et puis les cornets à bouquins, avec les sacs-boutes que vous écoutiez, des vêpres marial par, si vous voulez, je dirais, un autre grand maître de chapelle, Monteverdi, maître de chapelle de Saint-Marc de Venise, de 1613 jusqu'à sa mort en 1643. Virgilio Mazzocchi, quant à lui, maître de chapelle de Saint-Pierre de Rome, excusez du peu, c'était à partir de 1629 jusqu'à sa mort en 1646. Alors je sais, tout à l'heure je vous disais, les vêpres datent de 1648, elles furent éditées, semble-t-il, à ce moment-là. Ouverture, vous l'avez entendu, vers le Stile Nuovo, hein, par Mazzocchi, qui regarde vraiment du côté, je dirais, de tout ce qui a été défriché par Monteverdi, notamment Monteverdi. Oui, on le sait, les Vêpres de la Vierge de 1610 sont un manifeste, hein, on le rappelait hier, un manifeste musical, religieux, des Vêpres purement catholiques, hein, l'emblème d'une contre-réforme triomphante dédiée à la Vierge. Et oui, le visage de la Vierge dans la tradition catholique a pris vraiment de multiples formes, hein, pendant les siècles. Je dirais les siècles d'une Europe chrétienne omnipotente. Le visage de la Vierge était plutôt consolateur au XIIIe siècle, par exemple, hein, sur les vitraux des cathédrales, comme sur le porche de la cathédrale de Reims aussi, la plus mariale des cathédrales, là où sont couronnés les rois de France. Elle était aussi, la Vierge, parfois, si l'on peut dire, plus offensive au XVIe, XVIIe siècle, justement. Les partitions dédiées à la Vierge sont donc ce qu'on pourrait appeler le bras armé musical de la contre-réforme catholique. Tant contre les protestants, les réformés qui ne croient guère à la virginité de Marie, que contre les musulmans vaincus, je le rappelais tout à l'heure, à Lépante, au nom de la Vierge et de Notre-Dame du Rosaire, que l'on fête d'ailleurs le 7 octobre, mais on a généralement oublié que c'est justement en lien avec cette bataille de Lépante et la défaite des musulmans à ce moment-là, et donc vécue à l'époque comme une sorte de grande victoire catholique. Restons dans les motets à la Vierge, Alessandro Melani ici. Alors, nous allons un petit peu au-delà, vers la fin du XVIIe siècle, et je vous propose l'interprétation toute récente qu'en a donnée, et c'est absolument bouleversant, je trouve, Rinaldo Alessandrini, à la tête de son Concerto Italiano. Thank you. Oh. Le compositeur Alessandro Melani les interprète le Concerto Italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini, un disque tout récent qui vient de sortir chez Naïve, consacré à des œuvres d'Alessandro Melani. Et vous avez entendu avec quelle précision, quelle poésie et quelle luminosité des motets à la Vierge. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, disons. Nous nous sommes écartés petit à petit de Claudio Monteverdi avec Melani. Tout d'abord, c'était les litanies pour la Bienheureuse Vierge, ensuite l'Ave Regina Celorum, suivi du Salve Regina, et à l'instant, un Magnificat. Après ce maître de chapelle de Sainte-Marie Majeure et puis de Saint-Louis des Français, à Rome, et après tout, auparavant, nous étions avec Mazzocchi, le Romain, en quelque sorte. Je vous propose d'aller voir du côté de Rome, peut-être, de Naples, oui, de Florence, enfin tout cela à la fois, parce qu'il s'appelle Alessandro Scarlatti, et qu'il donne des vêpres à la Vierge, qu'il a composées pour cinq voix, basse continue, avec un art du clair-obscur qui me semble vraiment bien mêler le stile antico à la façon Palestrina et puis le stile concertato à la façon Monteverdi et suivant. Cette fois, c'est vers un autre chœur que nous nous dirigeons, le chœur de chambre de Hollande, Nederlands Kammerchor, dirigé par Harry van der Kamp. Un disque tout récent aussi chez Atma, un disque d'Alessandro Scarlatti autour des vêpres de la Vierge, les Tatus Sum que nous écoutions. Allez, j'avais envie, pour terminer cette semaine consacrée à Monteverdi et les vêpres, de vous ramener du côté de Venise. Alors, pourquoi pas Vivaldi. Thank you. Eh oui, nous étions ici avec le Domine ad adiuvandum me festina. Autrement dit, nous étions avec Vivaldi, toujours dans les Vêpres de la Vierge, Roberta Invernizzi, le concerto italiano que nous retrouvions, dirigé par Rinaldo Alessandrini. Comment est-ce que vous les entendez, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi? En tout cas, si vous passez du côté d'Ambronay, 31e festival à Ambronay, hein, vous le savez, eh bien, ce sera le dernier week-end, là, dans quelques jours, et il va y avoir un concert particulièrement intéressant. Ce sera demain soir, et ce sera Leonardo Garcia Larcon qui va diriger sa vision des Vêpres de la Vierge d'Antonio Vivaldi. Enfin, je dis sa vision, après tout, ce n'est qu'il n'y a que quelques années, en 2005, que l'on a identifié réellement Vivaldi comme étant le compositeur d'un Dixit Dominus Splendide à double cœur, et puis d'un Lauda Jérusalem. Eh bien, figurez-vous que Leonardo Garcia Larcon, à la tête du chœur de Namur qu'il dirige désormais, et puis de son ensemble, les agréments, qui n'est pas le sien d'ailleurs, celui de Kivan Vass, hein, entre parenthèses. Eh bien, en tout cas, Alarcon a reconstruit des Vêpres qui reprennent ces deux œuvres. Quant à lui, Rinaldo Alessandrini, que nous écoutions à l'instant et que nous allons retrouver, avait, il y a quelques années, chez Naïve, donné sa vision des Vêpres de la Vierge, avec notamment ce Salve Regina, Sarah Mingardo, le Concerto Italiano et Rinaldo Alessandrini. Thank you. Thank you. Vous écoutiez ici Claudio Monteverdi ? Non, pas du tout. C'était le titre, bien sûr, de notre semaine sur France Musique. Mais nous finissons par Antonio Vivaldi. Vous l'avez peut-être reconnu. Sara Mingardo, le concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, pour ses Vêpres de la Vierge, le Salve Regina. Autre vision du Salve par Vivaldi, la boucle est bouclée, si vous voulez, puisque nous voici loin de Monteverdi qui ouvrait avec le Salve Regina notre émission tout à l'heure. Nous sommes au début du XVIIIe siècle maintenant, période que nous retrouverons la semaine prochaine avec un autre grand compositeur, Campra, en journée. Et d'ailleurs, dès ce week-end, Campra est à l'affiche à Versailles, au CMBV, au Centre de Musique Baroque. Les micros de France Musique ne seront pas loin et les micros d'aujourd'hui étaient rendus possibles, efficaces, efficients grâce à Frédéric Potry, Michael Fontagnas, Nicolas Lafitte et Céline Parfenoff.